Je me souviens d'une fille aux cheveux d'or qui avait les yeux clairs. Je crois bien qu'elle venait du Nord, peut-être même d'Angleterre. Entre nous, la foudre a passé, l'espace de l'été. Souviens-toi de la plage et de nos longs baisers. Nous marchions main dans la main et l'on pouvait voir au fond de nos regards fiévreux un immense espoir. Il ne saurait en être autrement quand on a tout juste 16 ans. La crinière dorée peut sembler un champ de blé ondoyant sous le vent quand tu marches devant. Où es-tu? Que fais-tu maintenant? Les étés ont passé, petite Jennifer, même les hivers. Je ferme les yeux et te revois comme si c'était hier. Rappelle-toi, place de la Fontaine, c'est là que je t'ai dit je t'aime. Dis-moi aussi, et puis tu t'es enfui. Depuis je viens tous les étés camper dans les dunes. J'entends ce blues à faire pleurer même la lune. Il y a longtemps, mais si l'on se croise et crois-moi, je suis certain qu'on se reconnaîtra. T'aimer un soir d'été derrière les dunes. Et un Dieu pour seul témoin et le clair de lune. On tremblait mais pas de foi, tout simplement des mois. Jamais on n'oubliera la première fois. Pas de froid, tout simplement des bois. Jamais on n'oubliera.